gâtis-o à grain pour mener. Rendez-vous le cafou minuit, à tête sans corps. Nous paraîtrons coucher, ronfler, dormir. Rendez-vous le cafou minuit à tête sans corps. Nous paraîtrons coucher, ronfler, dormir. Posé sous branche nous, m'a joué, joué, joué, passe à l'embécote famille nous, m'a déchappié, déchappié, déchappié. Avant mi flemme la chaudière nous. M'a touillé, touillé, touillé. Tant seulement pas de chalboré, pas de jague vient petit nous. M'a touillé. Tomber, tomber, oh, pas en fal écrasé, fait taille caille nous. Moi-même, tête sans corps, moi, oui, parole, vive la terre, à souhait. Nous gain chance, fal moins plein, moins pral dormi l'encant en moi. Tête sans corps ou menti, nous pas prêts la manigette gassie. Saison a changé, saison a viré bord, ou sous lisse, perdit par rien.